15h10 sur le 95FM, vous êtes bien à l'écoute de Rock Nations, tous les dimanches de 15h à 17h sur le www.rqc.be. Rock Nations, du hard rock, du métal, des classiques, des autoprods. Le focus consacré ce dimanche après-midi à Napalm Death et également l'album du mois, les deux doigts dans la prise par les shérifs. Mais tout d'abord, on a commencé par le dernier album studio de Black Sabbath paru en 2013. Celui-ci s'appelle 13 et c'était le morceau L'Honneur. Juste à l'instant, Savatage en 1985, l'album Power of the Night et produit par Max Norman, c'était le morceau Warrior. On part en 1988 avec le dernier album avant la séparation des Black and Blue, quatrième album que ce In Heat, produit par Gene Simmons, et on s'écoute le morceau The Snake. Original sin. I like skies up above. Don't believe in God, but I do believe in love. Don't tell me how to do it, 'cause I don't need that shit. I found something new and I'm fucking loving it, yeah. Wild and Wonderful, The Almighty en 1989, leur premier album Blood, Fire and Love paru sur le label Polydor. The Almighty bien sûr et son leader charismatique Ricky Warwick qui bien sûr remplacé Phil Lynott qui nous a quitté il y a bien longtemps de cela pour une énième reformation de Sinizi vers 2011-2012 et depuis eh bien il fait partie du Black Star Rider. The Almighty, allez, on part non pas pour une double mais une triple dose. d'un grand monsieur qui a effectué un concert exceptionnel dimanche dernier dans la région parisienne à Cergy-Pontoise, dans un lieu qui s'appelle le Pacific Rock. Monsieur Graham Bonnet et son groupe étaient là, étaient présents. Les apparitions de ce grand monsieur du hard rock se faisant très très rares, ben, j'ai eu l'occasion de voir enfin le monsieur sur scène et c'était fantastique. Et donc ben, c'est pourquoi je vous propose non pas cette double dose mais une triple dose, avec tout d'abord un extrait du dernier album de Graham Bonnet et de son groupe Graham Bonnet Band. L'album s'appelle The Book et on s'écoute le morceau Earth Child, I Am Your Son. And La triple dose consacrée à Graham Bonnet, un grand monsieur du hard rock, ex-chanteur de Rainbow, du MSG, de Alcatraz, Impeliteri, j'en passe, et des meilleurs. C'était une triple dose suite à son concert dimanche dernier au Pacific Rock de Cergy-Pontoise en banlieue parisienne. Les apparitions en live et en Europe de ce grand monsieur se faisant rare, c'était à ne pas louper, et franchement, c'était un fantastique concert, accompagné de son fidèle complice au clavier Jimmy Waldo, ex-Alcatraz et ex-Blackthorn. Franchement, c'était du tout bon. Alors la triple dose, c'était tout d'abord le Graham Bonnet Band en 2016 sur Frontiers, l'album The Book, et le morceau Earth Child, I Am Your Son, enchaîné avec Blackthorn, Side Project et All Star Band, composé bien sûr de Graham Bonnet au chant, mais également de Bob Tulick, qui a beaucoup contribué à la carrière de Kiss à la guitare, Chuck Wright, l'ex Quiet Riot, et Impeliteri à la basse, Frankie Banali, ex Wasp, ex Quiet Riot à la batterie, et Jimmy Waldo, l'ex Alcatraz, futur clavier de Graham Bonnet Band. Voilà, c'était le morceau Baby You're the Blood, extrait de ce unique album paru en 1993. À l'instant, c'était le troisième album d'Alcatraz, remasterisé dans les années 2000, et c'était, ma foi, vraiment pas facile à trouver en CD. Bon bah là, ça y est, hein, l'album Disturbing the Peace, on le trouve bien facilement, et c'était extrait de ce fantastique album, unique album avec Steve Vai à la guitare, le morceau Why and Wood. On part en 1989 avec les Danois de D.A.D. Disneyland After Dark, l'album de la révélation No Fuel Left for the Pilgrims, et le morceau qui ouvre cet album, le classique Sleeping My Day Away. cœur de mon être. Ordonnement étrange me propulse mon corps et me plonge tel un ange dans le monde des mots. Les portes mystiques me profilent de mon droit. Chasse les parasites et me guide à ma voix. J'atteins des portes aussi vite que l'éclair. Je suis à la recherche d'un être qui me sert. Libéré de ma chair, je pars pour les ténèbres. Au parfum des éthers, je suis aspect de lumière. Des aspects de lumière. 15h42 sur le www.rqc.be et également sur le 95FM, l'émission Rock the Nations avec Bruno. On est ensemble jusqu'à 17h. Rock the Nations, c'est également sur Facebook. L'intitulé a changé hein, dorénavant, c'est Rock the Nations Radio Show. Pour éviter toute confusion avec d'autres pages existantes, notamment concernant la page de l'album de Saxon de 1986 qui s'appelle évidemment Rock the Nations. C'est pas vraiment un hommage puisque c'est un album de Saxon que je connais peu, mais voilà. Rock the Nations Radio Show, c'est le nouvel intitulé sur Facebook. À l'instant, les Français de Tentation sur le label de Monsieur Fabien Pinto, Inferno Records, leur premier 6 titres auto-intitulé paru il y a 2 ans, 5 titres originaux et la reprise Double Banque de H-Bomb. C'était le morceau Spectre de Lumière. On reste en France, on part dans les années 80 avec le premier album de High Power, première référence du label 100% français. Français Devil's Records Madrigal. L'album auto-intitulé paru en 1983, High Power, l'ange au regard noir. Ils sont venus de ces immenses plaines, d'où il faut tuer pour ne pas mourir. Couleur de sang était l'emblème. Devant la horde, à quoi sert de courir? Demain la terre sera un cratère. Demain les enfants ne verront plus. Et chacun des chiffres. j'entends faire. Attends. Salem avec leur album L'Infana Monde paru l'an dernier sur le label Brennus, et c'était le morceau qui ouvre cet album, le morceau Je me donne. On part avec l'album du mois, bien sûr Les Shérifs, Les Deux Doigts dans la Prise, terrible album live paru en 1992, et extrait de cet album, on s'écoute deux titres, Arrête de parler pendant que tu dors, enchaîné avec Condamné à brûler, c'est l'album du mois dans Rock the Nations, les Ramones de Montpellier, Les Shérifs. Alors, un morceau pour les fainéants. Arrête de parler pendant que tu dors. Je l'ai assez répété. Arrête de parler au pendant que tu dors. Une fois, je me suis réveillé. Je fus très étonné car tu te mis à chanter. Tu disais oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Personne ne croit ni à Dieu ni au diable. Mais on a fait une chanson pour le diable quand même. Ça dit condamné à brûler. Vous t'avouez tes fautes, avouez tes péchés. Et pour ce que t'as fait, t'es condamné à brûler. T'as avoué tes fautes, t'as avoué tes péchés. Et pour ce que t'as fait, t'es condamné à brûler. Le moment est venu de réciter tes prières. Time. condamné à brûler avec le morceau également Arrête de parler pendant que tu dors. Les Ramones de Montpellier, les Shérifs en 1992, premier album live, les Deux Doigts dans la Prise, un de leurs tout meilleurs albums. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le chanteur. Hein. J'ai pu voir le disque à disque de ce groupe, les Shérifs, vu par leur chanteur Olivier. Et il considère que cet album live fait partie du numéro 1 dans sa sélection. Voilà, tout simplement. Un album indispensable et encore disponible, facilement trouvable sur le net. Allez, on revoit vite fait les émissions de radio les plus écoutées celles qui sont le plus connues. Eh bien, on commence tout d'abord avec, bien sûr, Killing Machine. C'est ce soir sur le 106.6 FM, www.campus.com. Et c'est avec Arnaud et Bébert à partir de 22h, ce jusque minuit le lendemain. Et c'est sur le www.rqc.be, Rive d'Enfer avec Eric Silval et Scream de 20h à 22h. Le surlendemain, donc, c'est le mardi de 20h à 22h, l'émission Hot Rockin' animée par mon ami Laurent Kiss in Time, gros fan de Kiss. Il a d'ailleurs eu sa propre émission 100% kissienne qui s'appelait d'ailleurs Kiss in Time. Il revient sur les ondes et depuis quelques semaines, il nous propose sa nouvelle émission Hot Rockin' sur Radio Morvan de 20h à 22h. Le mercredi, eh bien, à partir de 19h sur Radio Boomerang, Riff Eater jusqu'à 20h30, enchaîné sur le saucisse pois chiche sur www.campus.com, Jean Damien et son émission Thief Grinder de 21h à 22h. Le vendredi, l'institution Tapage Nocturne avec Manu et Dimi sur Radio Huile Espigel et de 21h à minuit. Pardon. Et juste avant Rock the Nations, eh bien, il y a Slipe de 13h à 15h sur le www.rqc.be. Et c'est le dimanche, juste avant, bien sûr, Rock the Nations à 15h. Voilà pour une liste non exhaustive des émissions radio les plus connues, les plus écoutées, les plus appréciées. C'est selon. Voilà. Allez, on part en 1996 avec le quatrième album de Biohazard. Suite au départ de Bobby Humble, départ Eviction, et bien le groupe enregistre cet album sous la forme d'un trio. L'album s'appelle Mataleo et on s'écoute le morceau Visa Eyes à Sin. On Parade, Propane en 1999, un de leurs tout meilleurs albums, Act of God, avec la session rythmique des Spun Monsters, plus Tom Clinchunk, plus Gary Mesquil, et bien ça nous donne un super album, 12 titres, et puis en live, bien un vrai régal, hein. Franchement, Propane, une machine de guerre, sur disque c'est aussi bon également, donc vraiment un incontournable dans le genre. Juste auparavant, le quatrième album des Biohazard, Mataleo, sans Bobby Humble, fraîchement viré ou débarqué, c'est selon. C'était l'album Mataleo et le morceau The Eyes Have Seen. On part en 1985 avec le deuxième album de Anthrax, Spreading the Disease. Là aussi un grand classique, un fantastique album que ce deuxième Anthrax. Et on s'écoute le morceau Lone Justice. Oh! Blind Dumb Deaf BDD, c'était donc Hate Squad en 1995, le deuxième album IQ Zero qui leur avait donné l'honneur de partir en tournée avec Creator, Amorphis et Grip Incorporated. Et donc, extrait de cet album, c'était le morceau BDD Blind Dumb Deaf. On part avec un groupe qui a connu un regain d'intérêt avec l'ascension des réseaux sociaux, le net et compagnie. Un groupe qui était complètement noyé dans la masse dans les années 80, un groupe de trash US qui s'appelle Morbid Saint, et extrait de leur album Spectrum of Death, Burned at the Stake. Is near, is away. Morbid Saint et leur album Spectrum of Death, c'était le morceau Burned at the Stake. Je regarde l'heure, 16h17, eh bien oui, on va commencer avec le focus consacré à un grand groupe, on peut dire qu'ils ont popularisé ou inventé, c'est selon le grindcore, le grindess, Napalm Death, donc un groupe de Birmingham. On va pas parcourir toute leur discographie parce qu'ils ont sorti tellement d'albums. J'ai choisi plutôt quelques morceaux parmi mes favoris. Et on commence avec un extrait de leur deuxième album paru en 1988, From Enslavement to Obliteration. Le dernier album avec Les Dorian et Bill Steer avant que ces derniers ne quittent le groupe. Les Dorian va bien sûr fonder Cassid Roll. Et puis Bill Steer va se concentrer sur à l'époque son side project Carcass. Et donc extrait de cet album, on s'écoute le morceau Unchallenged Hate. C'est le focus consacré à Napalm Death. Et puis, on se retrouve d'ici une demi-heure. On va laisser parler la musique. Yeah. We'll be right back. sur me. I really can't lie to your disarray. Deception, seeking attention. Your segregation from the ones that really care. Thank you. Yeah. Shock of all. Necessary Evil, Napalm Death, c'était le focus consacré à ce groupe sur le www.rqc.be ou le 95FM, et c'était pour l'émission Rock the Nations de 15h à 17h tous les dimanches. Rock the Nations avec un nouvel intitulé sur la page Facebook, puisqu'il s'agit de Rock the Nations Radio Show, pour ne pas confondre avec par exemple la page existante concernant l'album de Saxon paru en 1986. Je vais quand même décrire un peu tout ce qu'il y a eu comme bon son depuis une demi-heure avec ce focus consacré à Napalm Death. On a commencé bien sûr avec le classique, un des tout premiers classiques, Unchallenged Hate, extrait de l'album From Enslavement to Obliteration paru sur E-Rake en 1988. Et on a enchaîné ensuite avec les Peel Sessions featuring les Dorian, hein, bien sûr, avec quatre titres enchaînés: Multinational Corporation, Instinct of Survival, Stigmatized et Parasites. Et puis ensuite un dernier titre avec les Dorian, Rise Above, extrait du EP Mentally Murdered en 1990, changement de chanteur, Exit les Dorian et Hunter, Mr. Barney Greenway, toujours en poste à l'heure actuelle, hein, donc déjà 27 ans, et oui, 28 ans, ça fait une sacrée période. On a écouté le morceau Mass Appeal Madness en 1991, c'était extrait du EP du même nom, et dernier enregistrement avec le batteur Mick Harris, remplacé par Danny Herrera dans la foulée. If the Truth Be Known, l'album Harmony Corruption est également représenté, et cet album est sorti en 1990, unique album produit par Scott Burns dans les Morrison Studios. Dementia Access, extrait de l'album Utopia Banished, paru en 1992, une version live de Plague Rages sur le Bootlegged in Japan, enregistré en 1996 et sorti de manière officielle par le label E-Rake en 1998. 1998 toujours, Devouring Depraved, extrait de l'album Words from the Exit Wound, Necessary Evil, enfin extrait de l'album Music from the Enemy of the Music Business, et paru sur le label Dreamcatcher en 2000. Allez, on part en 2016 avec les nouveaux enregistrements de Sepulchral fraîchement reformés. D'une line-up d'origine, ne subsiste que Damien à la basse et au chant et Arnald à la batterie. Ils se sont accoquinés avec Eric à la guitare, ex Amon Soul, ex Vukup Kame. Et extrait de ces nouveaux enregistrements, compilé sur un CD appelé Back from the Dead. On va s'écouter la nouvelle version de Putrefying Mass, et en sachant que les Sepulchrales seront présents dans les studios de RQC pour une interview dans Rock the Nations dès dimanche prochain à partir de 15h. Allez, Sepulchrales, Back from the Dead, c'est le CD sur le label Great Dane Records et le morceau Putrefying Mass, version 2016. 16h59 minutes sur le 95 FM, une démonstration de death bien groovy. Il dispose dans 1995 énorme album que ce Summit, et c'était le morceau qui ouvre l'album Purity of Sadness. Juste auparavant, le grand retour de Sepulchral, Back from the Dead, compilation 10 titres, hein, les morceaux bien sûr de la compile Obscurum per Obscurus y figurent, les 3 titres de la démo également, et 4 nouveaux morceaux, enfin 4 morceaux, 3 morceaux réenregistrés, un nouveau morceau Vampiris Spectrum enregistré l'an dernier et sorti donc sur le label Great Dane. Sepulchral en interview, c'est la semaine prochaine à partir de 15h et c'est sur le www.rqc.be pour l'émission Rock the Nations jusque 17h. Ils seront là en interview, les Sepulchral, ils nous parleront de leur projet ainsi que bien sûr de ce CD paru sur Great Dane, Back from the Dead. Voilà. Il est grand temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous. Je vous dis rendez-vous donc la semaine prochaine avec les Sepulchral. Et on termine en beauté avec Vader. Il n'y a pas d'heure pour écouter Vader, bien sûr. Litany, c'est l'album de 2000 sur Metal Blade et The One Made of Dreams. Bonne semaine à vous et à dimanche prochain. Ciao, ciao.